Retourner, R-E-T-O-U, R-O, toc, tion, toc, tion. Ouais. Retourner, R-E-T-O-U, R-O, toc, tion, toc, tion. Ouais. Allez, allez, Béatrice. 54. Ah, vous avez dit Sénic, c'est ça? Oui. Mais Béatrice, elle n'est pas attendue, la lettre bonus. Et comme le disait Thierry tout à l'heure, il y a quelques 1800 euros en jeu. Retournez, R-E-T-O-U, R. Allez, allez, Béatrice. 54. Bye.